Ceux qui souffrent, c'est les qui n'a mot et maman. Onzième commandement, boini boko talanzuto. Onzième commandement, rendre à César ce qui est à six mois.